This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. Salut à tous, vous l'aurez remarqué, changement de nom pour notre rendez-vous dominical 20h-21h sur Vibration 107.2 Bruxelles et Vibration.fm sur Internet. Lolo alias Airwave est toujours au micro. Dr Pepper cette semaine au platine pour le premier épisode de cette nouvelle émission. Le concept est le même, juste le nom change. Ça s'appelle maintenant Milky Waves. Et on commence tout de suite cette heure de mix de Dr Peppers avec Slideshow Park, Shining, remixé par Soli. Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. We'll be right back. C'était Slideshow Park et Shining, remixé par Soli. Dr. Peppers au platine de ce Milky Waves épisode 1. À suivre Goodspeed et Stage Whisper, encore une fois remixé par Soli. This is Milky Waves. le Solly Remix de Stage Whisper par Goodspeed. C'est dans Milky Waves sur Vibration 107.9 Bruxelles et Vibration.fm. À suivre, quelqu'un qu'on connaît bien, Elke Klein, Leves Genieter, remixé par Dozem. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Milky Waves. Le deuxième remix de Leves Genieter, un des derniers de Elke Klein. Body Temp nous vient maintenant avec son Calm remixé Eh oui, par hasard, comme par hasard, par Erke Klein lui-même. Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Milky Waves. We'll be right back. C'était Calm, remixé par Elke Klein, un des derniers Body Temp. À suivre, encore une production signée Dozem, cette fois une version originale. Ça s'appelle Trust. Milky Waves. À la moitié de ce Milky Waves épisode 1 mixé par Dr. Peppers. Vous venez d'entendre Dozem et son Trust. À suivre, quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, vu la bonne éducation de votre programmateur sur Fibration. Il s'appelle Robert Babix et ce morceau s'appelle Beautiful. Robert Babix et son Beautiful Le Night Mix. À suivre, Taj Scyther, The Train, featuring Malin Patterson et Ilk Klein, la version Midnight Express. We'll be right back. Serge de Cypher, The Train, featuring Malin Patterson et Ilke Klein, la version donc Midnight Express. À suivre, Chaim et Electric J and Milim. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Milky Waves. Chime et LXVJ and Milim dans Milky Waves. C'est donc le premier épisode tous les dimanches 20h-21h sur votre radio préférée Vibration 107.2 Bruxelles et Vibration.fm. À suivre, Paul Sparks et Dave Brickwood qui nous présentent Moderate. We'll be right back. Paul Sparks et Dave Brickwood qui nous présentaient Moderate. C'est dans le mix de Dr. Peppers sur Vibration. L'émission s'appelle Milky Waves. Milok Zigeli, Feel Me, à suivre. This is Milky Waves. Milky Waves. How this time that passed by doesn't kill desire, I feel. Something that is real, I forgot how to breathe. And this time that passed by is killing me for real. You were my all, now my mind is ill. Now my mind is ill. Zigeli, Feel Me, la version originale. Et enfin, pour terminer cette heure de mix en compagnie de Dr. Peppers, il va nous envoyer vers la suite plus clément avec Victor K, Another Road. Ok, Another Road pour clore ce premier épisode de Milky Waves, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 20h-21h. La même équipe, on prend la même et on recommence, on change juste le nom. Donc, sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine en compagnie de votre radio préférée, Vibration. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!